Donc, bonjour à tous et merci d'être là aujourd'hui. Je suis Stéphane Saulnier, je vais vous présenter le travail de thèse sur lequel je suis maintenant depuis près de 6 mois au laboratoire Cresson au sein de cette ENSA, la même où j'ai suivi ma formation en architecture suite à une autre formation en ingénierie civile à Rennes. Donc cette recherche est soutenue financièrement par la région Auvergne-Rhône-Alpes par le programme ARC7, Innovation, Mobilité, Territoire et Dynamiques Urbaines. Elle est co-dirigée par Jean-Paul Thibault, sociologue et directeur de recherche CNRS au sein du Cresson, et Fabien Labarthe, sociologue au sein du laboratoire Helico à Saint-Étienne et Lyon. Donc cette présentation s'attachera à expliciter les problématiques, hypothèses, méthodologies, objectifs qui ont été mis en place afin de mener à bien ce projet de recherche. Donc cette thèse doctorale porte le titre de « Vers une architecture sensorielle des mobilités augmentées », ce qui fait référence aux flux urbains, à l'intelligence ambiante et au corps appareillé. Elle émerge d'une interrogation concernant les pratiques liées aux nouvelles technologies numériques dans notre quotidien. Car si on se représente aujourd'hui Internet ou numérique, nous imaginons les réseaux sociaux, la diffusion de connaissances, des images de villes géographiquement inaccessibles, et nous ne voyons plus les chiffres, les infrastructures du virtuel qui sont pourtant bien réelles, qui sont bien physiques. On part du principe que le numérique est donc physique, et nous le touchons tous les jours au travers de nos smartphones, nos ordinateurs et divers écrans et autres dispositifs mis en place. Donc nous constatons cependant que nous sommes qu'aux prémices de tout ce qui est possible avec et dans cet univers. Nous ne gardons à l'esprit que des représentations du numérique qui sont bien loin des possibilités qu'offre cette technologie aujourd'hui. Donc cette emprise grandissante des technologies de l'information et de la communication, que j'appelle la TIC par la suite, nous apparaît à la fois dans l'évolution des environnements sensibles urbains et l'émergence de ce qui peut être désormais appelé l'ambient intelligence, que Hart, McCullough et Quang ont défini, ainsi que l'évolution des pratiques et des expériences de mobilité qui deviennent de plus en plus appareillées et augmentées. Dans un tel contexte, le focus des ambiances oriente le regard sur les phénomènes diffus et omniprésents qui traversent l'expérience quotidienne des citadins et impliquent les multiples interfaces techniques qui reconfigurent l'environnement urbain contemporain. Ce milieu d'information dans lequel les passants sont immergés n'est pas sans effet sur ses perceptions et ses pratiques, ses mouvements et ses déplacements. Il en va ici d'une nouvelle écologie sensorielle de l'urbain qui nécessite de revenir à la question centrale de l'attention et de ses divers régimes. Comme Yves Citon ou bien William James l'ont défini il y a plusieurs années pour James et Citon très récemment, par l'attention, nous filtrons nos perceptions afin d'orienter notre regard en focalisant sur un élément, voire en créant une certaine cécité à notre monde. Dans ce contexte se dessinent alors deux problématiques. Donc la principale, qu'est-ce que la prégnance croissante d'un environnement intelligent dans les espaces publics fait aux pratiques de mobilité, aux ambiances urbaines et à l'expérience habitante? Et la secondaire, qui serait comment contribuer à développer un design soutenable des lieux de mobilité et des espaces de transport qui prennent acte de cette nouvelle condition urbaine? Donc les technologies numériques de l'infocom sont une invitation faite à l'individu pour interagir et provoquer sa curiosité au travers d'une nouvelle couche de données dans son environnement. Il peut y prendre le contrôle de son comportement et de sa territorialité comme un objet sur lequel il projette son attention. La notion d'augmentation qui caractériserait cet environnement hybride représente aujourd'hui une capacité donnée à l'homme afin d'être compétitif face aux normes contemporaines de performance qu'il a lui-même construites et acceptées. Une règle implicite d'être connecté en permanence émerge ces dernières années où le smartphone est un outil de régulation de sa propre existence et est conçu pour nous connecter en toute heure et en tout lieu. L'augmentation se porte et tend à augmenter nos capacités et à pallier nos nécessités de perception, de performance ou de raisonnement. Nous portons sur nous les outils qui nous connectent en permanence et règne une certaine obligation de se connecter. Nous sommes alors des usagers qui s'ignorent. Nous nous rendons compte alors que l'émergence des TIC numériques implique de nouvelles articulations entre sentir et se mouvoir, entre s'immerger dans un milieu et le parcourir, entre éprouver un territoire et s'y déplacer. Selon Crawford, les technologies attentionnelles sont paradoxales, avec une présence de plus en plus importante dans l'espace public, qui veut exploiter nos réactions dans le but de créer une sociabilité préfabriquée. Nous sommes alors accrochés fermement aux anciennes conceptions de l'espace et du temps, ce qui rend l'attention vulnérable face à une représentation statique à court terme que le numérique offre par les chiffres et le discours unidirectionnel des masses médias. Plus qu'une capacité cognitive, l'attention est une pratique et fondamentalement un processus d'appréhension du monde. L'ensemble de nos capacités perceptives sont capturées par notre attention pour former une représentation. Ce que nous entendons par représentation, c'est une image irréductible, compilant tout ce dont nous avons fait attention et qui rend compte d'une communication. Finalement, nous pouvons noter que les processus attentionnels est un aimant à interaction, où nos perceptions sont capturées et contrôlées de manière à construire notre aptitude à comprendre le monde. C'est ce qui transporte, le sens de la vue en qualité de regard. La présence nouvelle et croissante des TIC prête une nouvelle définition de la valeur des objets, des attentions et des relations. Cette métamorphose des ambiances participe à des environnements propices à la modulation attentionnelle. Selon Stigler, loin d'un processus d'automatisation, l'attention est un système de soins et de sublimation du monde qui rend capable l'individu d'être social et psychique. Souvent associés aux questions de santé ou de performance au travail, les processus attentionnels nous engagent pourtant quotidiennement dans l'ensemble de nos actions. La pression du numérique qui se porte à nos perceptions, dont l'émergence est parfois considérée comme agressive, est pourtant l'objet de tous nos désirs. Tout se fait aujourd'hui en écrivant un texto, en téléphonant, en écoutant la musique, voire en se déplaçant dans l'image statique et virtuelle d'une ville à l'autre bout du monde. Nous sommes passés de l'ordinateur complexe et utilisé à plusieurs nécessitant un apprentissage linguistique et mathématique, à l'ordinateur personnel encore coûteux aux usages limités dans les années 90, à l'ordinateur présent dans l'ensemble de nos objets du quotidien aujourd'hui. Ce déploiement d'une ressource computationnelle variée, accessible et portable ouvre les portes à une intelligence ambiante comme une conception d'un environnement qui enrichit l'expérience de l'usager et conforte une ou plusieurs activités. Au travers de l'ambiance comme influence environnementale, le processus informationnel nous embrasse, nous étreint et nous saisit. Seulement, la dimension flottante et invisible des phénomènes quotidiens, qu'est l'ambiance, pose très directement la question de la transparence ou la disparition de ces technologies. Cette intégration de plus importante des technologies numériques représente un nouveau paradigme d'ubiquité en repoussant les limites du temps et de l'espace qui ouvre de nouvelles opportunités pour nous. Ah oui, pardon, bien sûr. Ça marche. Très bien. Prenez votre temps et regardez-nous de temps en temps, parce que sinon on ne va pas vous suivre. Très bien. Qui offre de nouvelles opportunités pour nos pratiques urbaines. Les ambient technologies, se dessinent non seulement dans les smartphones dans lesquels nous déployons nos sensibilités, mais aussi dans l'ensemble des objets connectés et numériques qui nous entourent. Les médias ubiquitaires deviennent plus difficiles à séparer de l'expérience spatiale. Il est temps de réexaminer la distraction urbaine dans le prisme des ambiances et des pratiques quotidiennes du milieu urbain. Il existe une évolution des espaces publics contemporains par l'ambient intelligence qui définit une manière d'être à l'autre. De nouvelles médiations techniques se déploient dans l'apparition à autrui, dans l'expérience de l'usager en immersion, dans un environnement hybride. En quoi cette présence croissante des TIC est observable dans les comportements de mobilité active? Leur présence encore nouvelle participe-t-elle aux ambiances de mobilité urbaine? Et l'attention que nous portons à ces technologies modifie-t-elle l'expérience du mouvement? Les ressources technologiques initient de nouvelles pratiques d'écomobilité urbaine. Nous ne nous intéressons pas directement à ce que nous faisons de l'objet connecté, mais à ce que l'utilisation implique dans les pratiques urbaines de mobilité active. Pour comprendre l'impact de chaque action en lien avec les TIC et donner du sens à ces pratiques, la première approche est choisie de réaliser un recueil d'observations directes de situations qui s'offrent quotidiennement à Grenoble. Grenoble est ce milieu que je parcours chaque jour. Mes trajets se font toujours à la même heure, dans la même direction et surtout par le même chemin. Ceci étant souvent lié aux lignes de transport en commun elles-mêmes. J'utilise mes propres trajets en tramway, en bus ou de marche comme prétexte à l'observation. En un sens, ça m'occupe durant les trajets et me permet de prendre à bras-le-corps une question qui fait sens. Cela m'amène à mon premier corpus, un recueil d'anecdotes pour explorer le champ des possibles comme une ébauche d'une éthologie sensible. Cet ensemble de micro-récits vise à rendre compte de l'expression collective de l'ambiance par l'observation directe des usagers en mobilité. Ce recueil d'une centaine de récits se nourrit de jour en jour et ouvre sur une analyse de comportement en déplacement, particulièrement dans le cadre de mobilité quotidienne. Ces observations trouvent leur pertinence dans la capture instantanée de l'ambiance et des comportements extériorisés. Une lecture personnelle des comportements observés, en un sens, de la même façon que le tout à chacun pourrait l'observer ou le vivre inconsciemment quotidiennement. Ces anecdotes visent à rendre compte de ce qui est vécu comme immobile dans la mobilité, en réalisant une représentation au travers de descriptions écrites sur le vif de la situation ou juste après, quand l'information est encore chaude. Donc, vous avez juste derrière moi la fiche d'observation que j'emporte avec moi en permanence, qui est à la fois un recueil d'éléments observés sous forme graphique, sous forme de petites BD, ainsi que sous forme textuelle avec des micro-récits. Toutes les données nécessaires à sa compréhension, par exemple la date, l'heure, le type de mobilité, etc. Et sur la droite, vous avez les éléments de pré-analyse que je peux donner directement après la situation, qui sont à la fois le contexte paysager pour comprendre comment la situation se crée, les tonalités affectives que l'on donne à cette situation, ainsi que les thématiques majeures que l'on retrouve, qui sont les processus attentionnels, les ambiances intelligentes, les expériences quotidiennes, une écologie sensorielle ou les mobilités actives. Enfin, je termine en donnant un certain nombre de mots-clés qui me permettront de trier et de comprendre l'ensemble de ces informations. Donc cet engagement en immersion sur le terrain m'accompagne dans la compréhension des phénomènes pas toujours intelligibles et dont la mise à l'épreuve des hypothèses ou des présupposés. Ce corpus est une étude de l'interaction telle que nous lui donnons sens quotidiennement par nos attentions dans un ensemble de configurations entre différents plans sous-jacents des ambiances, au travers des technologies, du mouvement, du son, etc. Mais aussi dans les différentes fictions qui nourrissent les images individuelles de la ville, comme on peut le voir sur la droite avec un film de Spielberg qui se nomme Minority Report. Donc celui-ci s'accompagnera d'un deuxième corpus d'enquêtes habitantes à l'aide de parcours commentés. À la recherche d'une expérience subjectivée, les parcours ont pour objectif de faire apparaître des tonalités affectives de l'expérience et les habitudes liées à la mobilité augmentée. L'objectif est de cumuler les observations de manière à déterminer des schémas d'action dans les relations écologiques opérantes. Au-delà d'un modèle déterministe, il s'agit de comprendre s'il existe des patterns dans les usages liés au TIC numérique. Les nombreuses observations réalisées sont de l'ordre de l'événement, du changement de posture ou de comportement. C'est aussi ce qui apparaît quotidiennement à notre attention. Face à la difficulté de saisir ces habitudes, ce corpus vise à compléter le premier pour aller au-delà de ce qui se manifeste dans la configuration de l'ambiance et appréhender les nuances de l'expérience. Nous observons à la fois des dynamiques lentes, des graduations imperceptibles dans l'évolution de l'ambiance, et des dynamiques rapides, des changements brutaux, des ruptures d'ambiance. Afin de saisir les différents plans hétérogènes sous-jacents configurant l'ambiance perçue et vécue. Nous prêtons attention à ce qui passe inaperçu pour le quotidien plus que pour l'événement. Ce que vous et moi vivons chaque jour, mais toujours de manière différente et parfois avec des redondances, des caractères communs, etc. Un troisième corpus de monographies, de projets de mobilité augmentée valorisera la constitution d'Ambient Intelligence. Aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Scandinavie, nous rencontrerons les acteurs de projets afin de faire émerger les conditions d'émergence des TIC dans les projets urbains. Il s'agit dans cet ensemble de faire ressortir les éléments réflexifs de 9 projets de 4 pays différents concernant la prise en compte de pratiques quotidiennes liées aux technologies de l'information et de la communication numérique. L'étude de ces best practices explorera les pratiques urbanistiques et architecturales mises en place afin de faire évoluer les environnements vers leur augmentation numérique innovante. Ce travail est à la fois prospectif et exploratoire et s'oriente vers des projets innovants ou notables pour leurs outils d'analyse, leurs outils de projet ou les dispositifs d'ambiance intelligente. Cette phase de recherche nous permet de dresser au travers de monographies un panorama d'expériences ciblées où l'étude de Grenoble et de sa région prendra sa place dans un réseau de projets innovants et remarquables. Enfin, la finalité de ces 3 premiers corpus serait la réalisation d'un recueil d'expériences au sein d'une expérimentation spatiale visant à provoquer les conduites habituelles afin de mettre en valeur les comportements d'adaptation liés aux usages des TIC. Ceci se fera en lien avec une de nos collaborations principales qui est la ville de Grenoble. L'interaction est l'émergence d'un engagement spatial individuel et collectif. Nous venons tester les lieux par le projet urbain ou l'expression artistique pour comprendre comment se construit une dimension ambientale dite intelligente dans un espace. Les différents profils d'activation de phénomènes sous-jacents à l'ambiance, mis en valeur par les 3 corpus précédents, seront mis à l'épreuve du geste architectural afin de faire ressortir l'affect de vitalité qui construit le geste ambiant. Ce phénomène d'imprégnation de l'expérience urbaine sera mis en défaut pour les mettre en valeur, mais aussi pour rendre intelligible une certaine capacité d'adaptation donnée par les TIC. Nous sommes aujourd'hui aux prémices de cette recherche, puisque je viens seulement de m'immerger dans le corpus 1 et 3, et qui annonce une thèse passionnante à Grenoble comme à l'étranger afin de donner la possibilité à l'usager de prendre le contrôle de ses médiations et la compréhension à la fois de ses pratiques contemporaines, urbaines et l'environnement augmenté dans lequel elles ont lieu. Ces 4 corpus visent à rendre compte de l'évolution des TIC au travers de trois notions. L'ambiance comme une composition complexe définissant une écologie sensorielle. L'immersion projetant le corps dans l'interaction avec un environnement hybridé par le virtuel. Le mouvement qui, au-delà d'un espace-temps statique, le corps attentif et distrait à la fois, trouve son expression dans une écologie de la mobilité. Là où tout se connecte et trouve une fonction augmentée dans le numérique, prendre conscience de son propre comportement est devenu un objectif majeur dans la mobilité. Seulement, la conscience d'éléments aussi dynamiques que son comportement dans un monde qui l'est tout autant n'est pas chose simple. La question globale serait comment pouvons-nous construire une représentation du changement de paradigme qui est en cours ? L'ambivalence qui émerge entre un univers physique que nous tenons dans les mains en permanence et une couche d'informations accessible et sans réelle limite possède un potentiel dans l'usage et l'adaptation pour le citadin. Les représentations qui émergent évoquent une forte participation des affects dans son appréhension. L'action serait grandement menée par les émotions que nous projetons dans notre environnement. L'écran n'est qu'une intermédiation et surtout l'objet de toutes les convoitises émotionnelles. Enfin, nous ne sommes plus dans la continuité d'un seul et même référentiel. Nous ne l'avons jamais été. Les réflexions autour des TIC nous évoquent une image porteuse de rêverie du monde et en prenant conscience de ce changement, nous déploierons un imaginaire. La psychanalyse urbaine couvre ces observations, entre sur les traces de cette structure poétique de l'être qui a la faculté de produire ces images. La question finale est maintenant, souhaitons-nous vraiment ce type de projet urbain ? Merci. D'énergie, c'est ce qui Bon, bah écoutez, moi je ne suis pas du tout spécialiste. Mais bon, je vais vous poser des questions par rapport à ce que j'ai compris et vous renvoyer finalement. Pose votre présentation. Ce que je connais finalement de ces technologies-là, c'est pour l'essentiel des présentations de projets de doctorat dans les commissions doctorales dans lesquelles je suis amenée à, entre guillemets, à les juger. En profondeur, et puis aussi par différentes relations qu'on a, nous, avec des sociologues qui sont pour l'essentiel localisés à l'Université de Paris-Est-Marne-Vallée, dans des laboratoires comme le Lab Urba, transport, mobilité, enfin, c'est deux labos. Et donc je sais à quel point ce sujet est d'actualité. Et que c'est un sujet qui est vraiment, à mon avis, très important, même crucial peut-être, dans la mesure aussi où il génère, alors je ne sais pas si vous avez suivi tous les débats sur la conception de la nouvelle ligne 15 de métro à grande vitesse à Paris. Pas du tout. Vous pourriez peut-être vous y intéresser parce que cette ligne, outre le fait que c'est une ligne évidemment de transport de métro souterrain qui est déjà commencé, hein, maintenant c'est plus un projet qui est déjà commencé, au sud de Paris, cette ligne va être entièrement, pour la première fois, parce que à Paris, en tout cas c'est pas le cas, connectée. Et du coup, la société du Grand Paris qui est en charge de la construction de ce métro, a décidé de lancer des programmes de recherche à différents stades pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait offrir comme service aux usagers et aux gestionnaires aussi et aux chefs de gare, puisqu'il y a 40 gares, un grand nombre de gares qui sont en train d'être construites simultanément, c'est-à-dire que tout va être ouvert simultanément. Et il y a eu aussi tout un travail qui avait été commandé à Jacques Ferrier pour c'est assez intéressant avec Philippe Simet, qui est professeur à Belleville, sur en quoi les gares pouvaient avoir un certain nombre de caractéristiques pour accueillir des publics différents en mobilité, de la très faible mobilité des personnes très handicapées à la mobilité freinée des personnes qui portent des enfants ou des valides, enfin bref, toutes les mobilités. Et donc il y a eu une espèce de travail exploratoire que vous traitez à la fin de votre exposé, qui est finalement, d'accord, on prend en compte les différentes mobilités, on va informer de manière différentielle les usagers. Évidemment, si on informe en surface du temps, je donne des détails, mais si on informe en surface quelqu'un du départ du métro, si cette personne ne circule à deux à l'heure, c'est pas la même chose que si vous dites ça à un jeune cadre dynamique qui à la limite est capable de courir pour attraper son métro. Oui. Donc toutes ces informations-là, au lieu d'être standardisées, deviennent peut-être plus spécifiques, prennent en compte, alors la grande question que moi je pose à chaque fois, mais qui n'est jamais prise en compte, les accidents, les événements, parce que à l'échelle de Paris, mais sans doute de Grenoble, la question c'est pas tellement le quotidien, c'est le nombre d'accidents et d'événements qui fait que le trafic et la mobilité sont constamment, à Paris c'est dramatique, on est constamment coincé dans le métro, on a constamment des problèmes de liaison, donc c'est pas du tout un monde qui roule comme ça de manière fluide, c'est vraiment le monde de l'événement. Et on se dit qu'effectivement, avoir un smartphone, au moins ça peut servir à avoir des itinéraires alternatifs qui soient intéressants et pas simplement débrouillez-vous pour passer par ailleurs, par une autre ligne, ce qui est quand même la réponse qu'on donne aujourd'hui dans le Grand Paris. Hein. C'est la ligne B est en panne, mais veuillez s'il vous plaît prendre des itinéraires alternatifs, c'est quand même extraordinaire. Vous ne savez absolument pas lesquels, vous ne savez pas à quelle heure ils partent, vous ne savez pas s'il y a des freins. Donc moi ce que je comprends, si vous voulez, dans votre sujet, c'est qu'il y a à la fois cette dimension-là, une dimension architecturale qui est traitée non par Ferrier-Simet dans cette espèce de, on pourrait dire, d'écologie, parce qu'ils n'ont pas une commande pour faire les gares, ils ont une sorte de commande théorique pour savoir comment l'environnement des gares pouvait être adapté, d'une part à l'utilisation des usagers qui sont équipés de smartphones, et aussi à la mobilité des usagers avec tout leur handicap, des plus faibles aux plus importants. Donc c'est assez, pour moi c'est un objet assez intrigant et c'est en cours. Hein, c'est, oui, bien sûr. Et la question des capteurs, et la question de ceci, enfin bon, pour mesurer, à la limite, d'informer sur le niveau de pollution, enfin je sais pas, oui, il y a une espèce de, en ce moment à Paris, d'investissement assez intense de beaucoup de gens, beaucoup de doctorants, etc., sur cette question de la nouvelle ligne, cette nouvelle ligne de métro hyper connectée. Donc ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, je pense que dans votre sujet, ce qui est à la fois troublant et intéressant, c'est que vous vous dites que vous allez vous immerger, que vous le faites déjà, mais vous ne parlez pas de votre smartphone au moment où, enfin, dans la manière peut-être dont vous avez présenté ça, mais on a l'impression que vous êtes, les bras ballants, vous regardez autour de vous, que vous avez un papier sur lequel vous allez noter. Je rêve un papier, mais ça n'existe plus d'avoir un papier. Vous voyez ce que je veux dire ? On se dit, waouh, là, il travaille comme il y a 40-50 ans. Vous partez sur le papier, les petites notes, les machins, je fais des points, je regarde les gens. Donc il y a une espèce de décalage inconscient peut-être entre la manière dont vous avez présenté le sujet, ses ambitions, et puis la manière très pragmatique où vous dites, je prends les transports, puis je regarde, puis après je vais aller peut-être poser des questions aux gens, mais je ne sais pas trop. C'est assez curieux. Et surtout de se couper effectivement de ce que vous faites, vous, et de votre expérience et l'utilisation des smartphones, qui permettent quand même, moi je ne le fais pas, mais Messenger, où tout le monde le propose, qui est dans mon environnement proche, que je connais, enfin tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un smartphone pour soit rentrer en relation avec des gens qu'on connaît, soit avec des gens qu'on connaît pas, soit je sais pas quoi. Enfin bon. Je savais même pas que les smartphones faisaient ça. J'ai un smartphone, mais je sais pas qui il est, et je bosse sur le numérique. Mais tout va bien. Donc aujourd'hui, avec la 4G, on peut faire des 40 milliards de choses. Donc on est dans un univers qui est un univers parallèle. De toute façon, on est à la fois là et on est à la fois dans un univers parallèle. Dans cet univers parallèle, on peut aussi bien écouter de la musique, que préparer son cours, qu'éventuellement travailler, jouer à un jeu vidéo. Et vous avez bien sûr les histoires des Pokémon. Voilà. À tel point que j'ai vu récemment des lieux où on interdit maintenant la chasse aux Pokémon. Donc si vous voulez, vous êtes un peu dans votre présentation un peu low-tech, quoi. C'est un peu bizarre. Parce que je le suis personnellement. Hein? Je le suis personnellement, je pense. Bah oui, alors vous prenez un sujet pareil. Vers une écologie sensorielle, une mobilité augmentée. C'est pas, c'est augmenté. Plus urbain, intelligence en mode corps appareil. Et corps appareil, voilà. On a son nouveauté pour l'instant, les corps appareils. Donc voilà, donc sur votre méthodologie, moi je suis un peu étonnée par le côté low-tech. Et puis ensuite, quand vous dites, voilà, je vais aussi aller à New York, je vais aller ceci, je vais aller Washington, etc. Wow, ça fait beaucoup, hein. Donc comment vous allez faire? Est-ce que concrètement vous allez aller là-bas? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une espèce... Moi je trouve que votre présentation pêche un peu par des hypothèses un peu trop générales. Et on se dit, bah oui, mais bon, oui, mais et l'absence d'hypothèses plus réaliste, plus convaincante, plus excitante aussi, elles sont un peu générales, vos hypothèses. Donc on se dit, bah oui, bon, vous voyez, mais vraiment, quel est l'enjeu, hein, quel est l'enjeu? Par exemple, un des enjeux, si y en avait un, ce serait l'écologie sensorielle des mobilités plus urbaines, intelligentes, en bien corps appareillé, c'est qu'est-ce qui se passe quand il y a un événement qui se passe, quand quelqu'un a un accident, quand, je ne sais pas, quand la ligne est en panne, quand il y a une grève, quand il y a des moments comme ça où les choses, la possibilité d'avoir une information et d'avoir des offres et d'avoir même éventuellement la capacité de soigner quelqu'un, j'en sais rien, qui a une crise cardiaque dans le métro, je ne sais pas, mais des moments où les choses se concrétisent, se cristallise et où le fait d'être appareillé, le fait de... a un sens autre que, ben voilà, je suis dans le métro, boudou, et puis je vais à l'école, vous voyez, je veux dire, il se passe pas grand-chose. C'est là où ce problème... Éventuellement, je peux voir que quelqu'un qui a le même signe zodiacal que moi est dans le truc et qu'il fait archi aussi, que donc je peux m'adresser à lui et passer de l'univers virtuel à l'univers réel. Mais ça manque un peu de croustillant, votre histoire. On est un peu... Voilà, c'est un peu... Alors que c'est quand même des univers maintenant qui deviennent assez étonnants, hein, de jouer avec quelqu'un. Moi, j'ai mal au cœur quand je conduis une voiture virtuelle sur mon portable. Qu'est-ce que je veux dire, je suis vraiment handicapée. Mais il y a des tas de gens qui passent leur temps, je les vois dans le métro, à jouer à des jeux qui sont parfois des jeux individuels où ils jouent contre des adversaires virtuels qui sont à des milliards de kilomètres d'eux. Mais maintenant, on sait très bien qu'on peut jouer avec quelqu'un qui ça se trouve est en face de vous, tout d'un coup passer de l'univers virtuel à l'univers réel, ce qui quand même est une grande chance aussi. Parce que sinon, on est dans le... Vous avez vu le film, Elle, là, où vous tombez amoureuse d'une femme virtuelle qui n'existe même pas et qui, en fait, est amoureuse de 100 000 autres personnes. C'est aussi ça, l'univers de la... L'univers numérique. Voilà. Et puis sinon, ce que je... Oui, je pense qu'il faudrait définir ce qu'est un environnement intelligent. Moi, essayer de se lancer là-dedans, et c'est pas si évident que ça, cette histoire d'environnement intelligent. Moi, je me rappelle quand même, il y a 20 ans, il y avait François Béga, qui est quand même un homme intelligent, pour le coup, qui avait montré qu'à Paris, et sur le périphérique, on avait installé, il y a 20 ans déjà, un très grand nombre de capteurs, qu'on ne l'avait pas dit, puisque ces capteurs étaient destinés essentiellement aux services type ambulance, enfin les services d'urgence, et que ça donnait des informations qui n'étaient pas du tout les GPS, etc., mais en temps réel sur, voilà, il faut emmener quelqu'un de tel point, du point A au point B, ce type, s'il n'est pas à l'hôpital en 10 minutes, il meurt, par où faut-il passer? Des questions très simples, mais très très vitales, et donc la ville de Paris était équipée, donc elle doit l'être encore plus maintenant, d'un espèce de système sensoriel qui permettait de dire aux pompiers ou aux ambulances, ben voilà, là, je vais passer par là, bien avant tous les systèmes qui sont aujourd'hui publics de GPS et de... Voilà. Il y avait ça, et puis il y avait une autre information qu'il avait trouvée qui était très intéressante, c'était que, par exemple, le périphérique, qui était un des premiers à Paris à être équipé, vous savez, des panneaux qui disent « Vous êtes à 10 minutes de la porte machin », ben voilà, le lendemain, au même endroit, vous êtes à 20 minutes, ou vous êtes à une demi-heure, ou même à une heure, parce qu'il y a eu un accident. Et en fait, il disait, c'est intéressant ces outils-là, parce que quand on parle au gestionnaire, en fait, c'est vraiment un outil qui permet de gérer le trafic, au sens où c'est pas tellement les accidents, etc. C'est que si on veut pas que les voitures, il y a des côtés très psychologiques, si on veut pas que les voitures qui sont sur le périphérique viennent dans le tissu urbain adjacent, ben, il ne faut pas donner des informations trop catastrophiques. Donc on a tendance à modérer, par exemple, le dire une demi-heure, on leur dit 20 minutes. Ben, il y avait tout un aspect très, très subjectif, assez étonnant quand on vous en parle comme ça, de dire c'est pas la vérité, c'est une vérité qui vous permet de rester là et d'attendre. Parce que si on vous dit la vérité qu'en fait il y a 2 heures pour aller à la porte machin, bah, vous sortez immédiatement et vous envahissez donc les quartiers adjacents qui déjà bon, sont à proximité de la pollution. Vous n'avez pas envie que tout le trafic se déverse. Donc c'était des choses comme ça, et on disait, bah voilà, c'est la ville intelligente. C'est une espèce de forme d'instrumentalisation de la ville, et qui donc était déjà valable il y a 20 ans, vous ne savez même pas comment c'est votre terre, et qui, a fortiori, existe depuis les années 20-30, puisque depuis les années 20-30, il y a cette idée qu'il faut que la ville soit intelligente, qu'elle réagisse. Là, il y a une généalogie qu'il faut peut-être suivre quand même un tout petit peu, avec oui. Des salles de contrôle. Bon, puis après, aujourd'hui, il y a effectivement des espèces d'idées. Moi, j'ai visité une ville hallucinante en Corée, là, récemment, en face de Séoul, où il y a une espèce de ville intelligente absolument terrifiante et à la fois que ça ne marche pas vraiment. C'est-à-dire que vous avez une salle de contrôle, et la salle de contrôle, en théorie, vous voyez toute la ville à tout moment avec des caméras. Et s'il y a une petite fille qui, tout d'un coup, a un accident ou ce qu'est ça, on est capable... théorie d'envoyer quelqu'un pour l'aider, ce qui est en fait pas du tout vrai. Enfin, quand on creuse un peu, c'est pas si efficace que ça. Et puis de toute façon, il y a 3 personnes dans une énorme salle, et puis il y a 40 000 caméras, et puis il faudrait avoir un personnel monstrueux pour suivre tout ça. Donc c'est à la fois terrifiant et à la fois c'est. Malheureusement, peut-être que la petite fille va tomber et personne n'a la ramassée. Voilà. Donc il faudrait vraiment définir ça, parce qu'au moins, enfin, en tout cas, moi dans votre présentation, je me dis oui, mais alors là, c'est laquelle c'est quelle ville intelligente de quoi on parle. Sinon, sur le titre que réappareiller, là, pour l'instant, vous n'en avez pas beaucoup parlé. Non, pour l'instant, je n'ai pas abordé quasiment de. Quand on ne parle pas d'une chose, on dit « mais je ne parlerai pas des corps ». Est-ce que tu veux réagir? Sur la notion d'intelligence qui est rattachée à la ville, c'est quand même un des objectifs de cette thèse, d'en faire une lecture critique, positive ou négative, qu'importe, une lecture critique, afin de mieux comprendre, parce que... Ce que j'aime bien dire, c'est quand même qu'on ne sait pas déjà définir l'intelligence pour un être humain, alors pour une ville qui est bien plus complexe et qui en comporte des centaines de milliers. Je pense qu'il y a une grosse difficulté à le définir. Bon, après, voilà, ça peut être un objectif très ambitieux. Je vais m'y atteler en tout cas. Mais il faut essayer quand même. Oui, voilà, ouais. Donc, non, ça complètement, je suis tout à fait d'accord avec vous et je vous remercie d'ailleurs pour les projets que vous avez évoqués à Paris, parce que je vais regarder de plus près. Ouais, peut-être à la suite, parce que du coup, il y a une dimension que là, je n'ai pas perçue moi dans ta présentation, c'est cette dimension critique. Parce que, notamment pour la façon dont tu formules les hypothèses, le contexte et tout ça, c'est vrai que moi, j'ai eu le sentiment que tu prenais vraiment cette histoire des lycées au mot. L'environnement intelligent, etc. Alors, l'environnement intelligent, c'est déjà une chose, mais le type d'activité réalisée par les agents, c'en est aussi une autre. Tu vois ta photo de Londres, là, du tram, du métro, je sais plus, où on le voit tous effectivement avec un téléphone. Tu te plonges il y a un siècle ou presque, tu leur mets un journal dans les mains. Qu'est-ce que ça change, quoi? C'est ça, pour moi, la question. Qu'est-ce que ça change? Et alors, voilà, alors, par rapport à ce que tu viens de dire, qu'il y avait une visée critique dans ton travail, je comprends mieux maintenant. Tu vois? Parce que c'était quelque chose qui ne m'avait pas semblé évident à t'écouter. Bon. C'est vrai que j'en ai pas parlé parce que c'est aussi une question qui est apparue très très récemment et j'arrive pas à prendre de recul dessus. Mais il faut vraiment que je le mette en valeur. Parce que je le prends pas pour argent comptant, bien au contraire. Même s'ils ont raison, pour une raison X ou Y, le but est quand même de re-questionner ça à l'échelle de la ville et de ses mobilités. Et du coup, oui, alors la question peut-être que je voulais te poser, c'était tu as mis beaucoup. L'accent sur la question de l'attention et je me demande si tu n'aurais pas intérêt glacée, c'est une perspective complémentaire, je pense. Tu vois, par exemple, Hoffman parle pas d'écran de l'attention pour les journaux ou n'importe quel appareillage, n'importe lequel, mais d'écran de l'engagement. Et notamment, si tu parles de cette notion de mobilité, tu as écrit à plusieurs reprises mobilité active. Si on part du paradigme de la mobilité telle qu'il a été de mobiliteur en invention sociale, etc., depuis John Henry, dire mobilité suffit. Tu n'as pas besoin de dire qu'elles sont actives, puisque précisément le paradigme de la mobilité, c'est de prendre en compte toutes les activités qu'on réalise au cours de nos déplacements. Quoi. Donc ça recentrerait un petit peu la question du côté des activités dans lesquelles, évidemment, l'action de l'attention est fondamentale, si je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça, ma question. Voilà. Je vais planter une remarque, parce que je ne sais pas trop répondre. Mais sur la notion d'active, en tout cas, ce que je peux dire et rajouter à ce que j'ai pu dire auparavant, c'est dans le sens où l'activité du corps, où le corps est mis à l'épreuve dans la mobilité. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de mobilités, enfin de types de mobilité, et je pense à l'automobile entre autres, où le corps n'est pas mis à l'épreuve, très très peu, a priori, hein, enfin du regard très large que j'ai sur l'automobile. Donc, et c'est du coup, en parlant de mobilité active, c'est ça que je voulais mettre en valeur. Mais après, oui, il y a sûrement un travail à faire sur la notion d'activité et l'automobile. L'automobile, tu dis ? C'est ça ton exemple ? Ouais. Dire que le corps lui-même. Alors peut-être avec une boîte automatique, mais sinon. Oui. Non mais la plus faible. De Stephen, il y a toute une littérature sur les modes actifs. Je pense que c'est peut-être ça que tu sous-entends. Oui. La différence entre les modes actifs et les modes de déplacement qui ne seraient pas actifs parce qu'ils n'engageraient pas la dimension corporelle, je ne dis pas que je suis d'accord avec ça. D'accord. Mais je veux dire, il y a une séparation dans la littérature sur la mobilité entre des modes actifs, la marche, le vélo, tout ce qui tourne autour du mode doux, et d'autres qui ne le seraient pas. Alors, entre autres, l'automobile. Je pense que c'est ça que tu voulais souvent. Enfin, pour l'instant, c'est une partie notamment de mon thème-là que je n'ai pas abordé, parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement. Mais qui mérite clairement de peut-être revaloriser après dans les mois qui arrivent, parce que du coup, je ne comprends pas encore cette notion de toute façon. S'il y a une dimension active dans ton travail, je trouve que cette catégorie même de description et de cette manière de nommer le type de mobilité, dont la mobilité active pourrait justement. Si là aussi il n'y avait pas deux thèses dans la thèse. Enfin, deux thèses, parce que ce que je n'ai pas bien saisi, c'est si l'enjeu était de tenter d'observer comment en effet tous ces appareils que nous utilisons, les smartphones, le fait d'avoir des casques sur les oreilles, donc du coup de ne plus voir, de ne plus entendre, etc., changer à la fois notre perception de l'espace et en même temps la façon dont nous nous comportions en société dans ces espaces. Donc du coup, les impacts que ça avait aussi à la fois sur l'espace public, mais dans la façon dont en effet on se parle ou pas, je ne sais rien, ce qui est pour moi une question. Ou bien, si en effet le fait d'avoir un smartphone modifiait cette fois-ci la façon dont on se déplaçait dans un espace, du fait, en effet, comme le rappelait Virginie, que effectivement, si on est bien connecté, on peut, donc ça c'est tout le travail que font certains, et notamment il y a toute la cartographie dynamique qui avait été faite il y a 10 ans par MIT, hein, on sait, on prend sa voiture, on prend le métro, on prend le train, etc. on est capable, c'est ce que voulait faire Grenoble, du reste, avec son application mobile. Tu pars le matin, tu sors de chez toi et tu as ton application qui te dit ah ben aujourd'hui, il vaut mieux prendre le vélo, le tram, le bus, je ne sais pas quoi, surtout pas la voiture, puisqu'on n'a plus de voiture à Grenoble. Mais donc voilà, donc moi, ma question, c'est est-ce que cette technologie, en fait, elle est interrogée par la thèse comme en fait des comportements autres que l'on observe et qui font que ça a des impacts extrêmement en effet importants. Je sais peut-être en effet Anthony a raison. Est-ce qu'aujourd'hui le fait de nous concentrer sur son jeu avec son smartphone c'est différent que de lire le journal il y a même 50 ans, si on parlait du siècle dernier, je ne sais pas, je n'en sais rien. Ou d'être plongé dans son bouquin, parce que dans le tram on voit les deux, quand même on voit encore des gens qui lisent des livres papier, et pas uniquement... Non, tu veux dire. Oui, oui, on a parlé aussi dans le métro Texas, et à Paris aussi. Donc tu as en effet des gens qui sont plongés dans leur livre ou dans leur téléphone, l'écran de... Donc ça c'est une chose. Qu'est-ce que tu as parlé d'être moi je lis sur mon téléphone. T'es très connecté aujourd'hui. Ou bien, voilà, ou bien est-ce que ces outils finalement nous permettent de parcourir un espace, d'expérimenter un espace différemment? Et ça pour moi c'est deux questions, enfin à mon avis, on ne peut pas traiter les deux questions dans une thèse. Enfin, on se rend la vie compliquée, il me semble. Oui. J'ai pas compris. Oui, oui. On peut aussi me répondre que j'ai rien compris. Non, je ne vais pas vous dire ça déjà. non, mais en fait, je ne me suis pas posé la question de. Enfin, c'est l'entrée finalement sur le. Cet environnement numérique, enfin, est-ce que c'est la mobilité ou c'est les pratiques elles-mêmes? Je ne me suis pas posé la question, en fait. Je ne voyais pas ces deux questions émerger en tout cas. Donc, maintenant vous l'avez évoqué, oui. Donc, je vais m'y attarder, ça c'est clair. Mais je ne saurais pas quoi répondre pour l'instant. En fait, en écoutant, on a l'impression que c'est abstrait, que le sujet même a un côté abstrait. Peut-être qu'il faudrait être plus connecté. Ben non, je ne sais pas, parce qu'il y a un côté, comme on dit, presque, c'est un peu dur de dire ça, désincarné, pour dire, mais il y a un côté abstrait dans la façon dont je trouve la question posée. Je ne sais pas, c'est bizarre, peut-être mon ressenti. Je ne sais pas non plus, je m'en rends pas du tout compte. Moi, c'est une question un peu plus pragmatique. C'est normal, t'es passé un peu vite sur les questions de méthode. J'ai pas bien compris en fait le lien entre le choix de tes cas qui sont tous à l'étranger, c'est ça, et la ville de Grenoble. Enfin, est-ce qu'on est sur les mêmes échelles ou est-ce que tu pourrais expliquer échelle, il y a plusieurs échelles. Il y a à la fois c'est toutes les villes, tous les projets qui ont été choisis sont à des étapes différentes. Donc il y en a qui sont en conception, d'autres qui sont en cours de réalisation ou en étude, et il y en a qui sont finis et qui ont déjà un recul dessus. L'idée, c'est le corpus numéro 3 qui sont ces monographies de best practice, en gros ces essais c'est innovants, remarquables à l'étranger. L'idée, c'est de venir alimenter la réflexion sur Grenoble, la ville, enfin on va dire le sujet principal de la thèse, de manière à comprendre comment est utilisé tel dispositif, tel environnement intelligent, etc. Et donc, quelles pratiques qui émergent à l'étranger et de faire. Alors, ça va être étonnant ce que je vais dire, mais faire abstraction de la culture même. Enfin, je veux dire, quand je vais aller aux États-Unis, l'idée c'est de s'intéresser aux pratiques de tel ou tel dispositif qui pourrait être utilisé différemment chez nous, mais c'est d'avoir un regard sur ce qui a déjà été fait, de manière à alimenter. La thèse se met quasiment en amont de projets pour Grenoble, je ne vais pas aller à des projets. L'idée c'est de pouvoir vraiment alimenter. À travers d'un regard innovant, remarquable, la réflexion sur Grenoble, qui d'ailleurs est un partenaire visé par la thèse elle-même, pour réfléchir à ça. C'est-à-dire, eux, ils ont cette idée d'écomobilité, mais aujourd'hui, avec le numérique, comment on s'y prend pour le coup, pour eux, c'est des questions très pragmatiques. Moi, ça ne l'est pas encore, parce que je n'ai pas pris encore le sujet bien en main, et je vais y arriver, mais j'espère en tout cas. Mais pour eux, c'est un réel impact, a priori, sur leur réflexion. Enfin, même si pour l'instant, je n'ai pas de communication énorme avec eux, c'est quand même l'objectif de cette thèse. Et les autres projets, du coup, c'est toi qui les as choisis, tu les as choisis avec eux, et le choix est définitif ou c'est... Non, pourquoi tu les as choisis définitif. Je les ai choisis pour leur variété déjà. En plus, ce qui a émergé aussi assez rapidement, enfin très récemment, mais assez rapidement, c'est qu'en fait, chaque pays est évocateur d'un type de mobilité majeur, on va dire. Donc la Scandinavie, la bicyclette, et on connaît très bien qu'ils sont très forts là-dessus, ils l'utilisent énormément. Aujourd'hui, comment le numérique intervient dans cette mobilité à vélo ? Au Royaume-Uni, la question s'est posée sur les transports en commun avec des collaborations qui vont émerger au fur et à mesure, je l'espère en tout cas. Et donc du coup, là j'oriente mon regard sur les transports en commun et particulièrement le métro ou le bus. Et après aux États-Unis, ils ont mis un ensemble de projets en place qui s'adressent surtout aux piétons. Et alors que les transports en commun sur certaines villes, je pense à Boston, ont été un peu laissés de côté parce qu'ils n'ont pas réussi à y arriver. Et donc du coup, il y a aussi ce recul qui est intéressant de l'exercice qui est raté ou en tout cas qui a permis d'avoir quelque chose qui ne fonctionne pas, ça arrive. On ne peut pas refaire les mêmes erreurs et puis du coup, comme je disais, alimenter l'idée de projet sur Grenoble, quoi. Même si ce n'est pas la visée de la thèse. Non. Emmanuel, je suis doctorant. J'ai l'impression aussi, pour rebondir sur ce qui a été dit, qu'il y a deux sujets en fait. L'un qui parle plus de la ville intelligente et de tout ce qu'apportent les capteurs. Et par exemple, je ne sais pas, il y a 15 ans, on a vu aux arrêts de bus, on sait que le bus ou le tram, il va arriver dans 2 minutes, dans 3 minutes, dans 10 minutes. Et avant, on avait juste la fiche horaire et puis on disait, ça arrive dans 10 minutes, puis parfois on attendait une demi-heure. Et finalement, en quoi là, le fait d'être chacun individuellement connecté va changer quelque chose, parce que le moyen d'information, il peut être aussi donné par des vecteurs collectifs qui sont des annonces, des tableaux, etc. Et ce qu'on voit dans le tram actuellement, et ce qui est d'ailleurs peut-être permet à chacun d'être au même niveau d'information. Donc ça, c'est une première chose. Et puis la deuxième chose, c'est un petit peu ce qui a été dit aussi tout à l'heure, c'est la question du comportement des usagers dans les transports. Et ça, je trouve que ça renvoie à l'histoire en fait, des transports collectifs, qui est que, par exemple, au 19e siècle, les gens ont eu besoin de beaucoup plus se déplacer. Et on voit l'émergence à Paris des omnibus, et qui dit des déplacements entre des quartiers, dit que les gens dans ces transports collectifs ne se connaissent pas, et du coup une promiscuité entre les personnes, et qui amène à des comportements sociaux qui sont assez nouveaux. Et d'ailleurs, il y a plein de caricatures de ça au 19e qui montrent cette promiscuité de gens qui ne se connaissent pas et tout d'un coup, ils sont obligés de s'asseoir les uns à côté des autres. Et avec même des caricatures, on voit des gens se mettre des trucs dans les oreilles. Donc c'est assez rigolo parce que c'est assez précurseur. Et finalement, d'essayer de se reconstituer son univers, sa petite bulle de confort. Et je trouve qu'il y a eu... de journal, de livre de poche, de Walkman, enfin de radiocassette, de MP3, maintenant ça. Peut-être demain ça va être le masque devant les yeux pour X ou Y, mais finalement qu'est-ce que ça change au niveau de la mobilité en soi, ou est-ce que c'est pas plutôt la question du comportement de l'usager? Merci. Sur le premier point, donc sur la question de ville intelligente et de smart city, en fait, c'est pas le sujet même de la thèse. C'est le contexte dans lequel la thèse s'inclut. Je veux dire, aujourd'hui, les questions de smart city, tous ces projets ont émergé, je crois, entre 5 et 10 ans, on va dire, pour les plus importants, et forment un contexte actuel d'une théorisation de la ville. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord, voilà. Donc, il y a une lecture critique par cette thèse de la smart city. Mais ce n'est pas le sujet, c'est-à-dire que c'est le contexte dans lequel la thèse s'inclut. Après, la question de ce que je trouve intéressant, quand tu as évoqué la grille d'horaire ou le smartphone qui nous donne une heure, je pense que nos comportements évoluent parce qu'en fait nos attentes évoluent. C'est-à-dire que quand on avait une grille horaire, au final, s'il arrivait 5 minutes en retard, c'était pas grave, quoi. Je veux dire, voilà, la grille, comme elle n'est pas en mouvement permanent, on ne s'attend pas à ce qu'elle soit très juste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les écrans qu'on a sur les stations de tram, entre autres, nous donne à la minute près quand est-ce qu'il arrive. Et on pourrait même imaginer, je pense qu'ils en sont capables, enfin ils en sont capables d'ailleurs, à Grenoble, de mettre quasiment à la seconde près. Mais le problème c'est que du coup, quelles sont les attentes des gens et leur comportement? Est-ce qu'ils vont accepter le retard? Et c'est le genre de question qui émerge et qui est extrêmement intéressant puisque bah, du coup dans ces changements de comportement qui ont eu lieu dans l'histoire, alors entre autres avec le journal, les différentes mobilités qui sont de plus en plus rapides, etc. Bah, c'est est-ce qu'on doit toujours les dessiner de la même manière quoi. Et finalement quand on a moins enfin quand nos attentes sont différentes, bah, peut-être que ces trajectoires, les activités qui y sont liées, etc. doivent évoluer aussi. Et donc là c'est là tout l'enjeu de cette thèse, c'est de se poser cette question-là. Nos pratiques a priori évoluent. On va dire que l'hypothèse est que nos pratiques évoluent. Dans quel sens? Donc c'est rendre compte de quelles sont ces évolutions ou ces émergences de nouvelles pratiques afin de comprendre vraiment si les mobilités sont toujours adaptées sur tel ou tel point, comment on peut les dessiner aujourd'hui et tous les espaces qui y sont liés, donc les ambiances, comment on les vit aujourd'hui, sachant qu'il y a toujours ce tissu existant auquel s'ajoute cette couche numérique. Et auquel on a entre les deux des pratiques qui passent entre le physique et le virtuel. Oui, merci beaucoup. Je vais être dans la même veine que mes collègues à la suite de Virginie, c'est-à-dire j'ai envie de resserrer le sujet pour l'attraper plus et mieux. Je vous remercie parce que je trouve ça vraiment très, très stimulant. Déjà, parce que c'est vrai que tout le monde fait de la recherche sur ce que nous sommes en train de devenir, à savoir des soliloques. Absolument stupéfiant, on est dans les transports en commun, quoi. On se demande vraiment si nous ne sommes pas transparents. Donc, sur les ubiquistes, donc celui-là, les ubiquistes, c'est quand même deux grands rêves du 21e qui était passé au 20e. Et moi, ce que je trouve très intéressant, alors évidemment, on a tous notre vision sur la meilleure manière de bosser avec celui-là, c'est un peu le problème de la discussion, mais c'est souvent, quand il y a une série de mots et de concepts dans le sous-titre, souvent c'est le premier qu'on garde. C'est le premier le plus stupéfiant. C'est-à-dire, je trouve que ça qualifie très très bien des nouveaux problèmes en matière de fluidité dans l'urbain. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans ce que j'ai compris du sujet, c'est que grâce à cette nouvelle pratique et cette nouvelle série d'activités que l'a dit Anthony, on voit vraiment bien, maintenant on comprend, c'est pas un problème théorique, c'est un problème très pratique, le fait qu'il existe des multispatialités, des couches de spatialités qui s'empilent les unes sur les autres et qu'il nous faut composer avec tout ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que finalement, on sort d'une conception d'espace très euclidien, enfin d'espace social, hein, très euclidien, et on rentre dans une autre conception où on accepte finalement qu'on soit dans des espaces parallèles. C'est plus grave, c'est plus très très grave. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, on considérait que c'était un signe de folie. Et donc, ou alors on se touche de bout. Enfin, alors ce que je trouve très intéressant, c'est que si on qualifie ça théoriquement, ben, finalement, c'est la fabrication des intelligences spatiales, plus que urbaines, me semble-t-il. Et cette capacité incroyable que nous avons à ne plus avoir peur de l'espace grâce à ces objets, au sens peur, au sens clair du terme, c'est-à-dire que, notamment par la pratique touristique, je trouve que la pratique touristique des villes montre de la fluidité, d'une souplesse et d'une adaptabilité assez étonnante, sauf pour les touristes qui n'ont pas de smartphone, mais ça, il ne faut peut-être pas les laisser entrer. Et donc moi, ce que je trouve très intéressant, c'est le problème qui se pose, c'est le rapport entre ces multispatialités et les aménagements nécessaires à organiser la territorialité urbaine. Donc le rapport entre spatialité et territorialité, c'est un énorme nouveau problème, enfin, il se repose de manière nouvelle. C'est-à-dire que quand on a la dernière diapo, si effectivement il nous faut organiser des tuyaux de circulation de gens qui sont dans un autre espace en matière d'activité principale, mais qui doivent quand même se mouvoir en autre, celui des autres, là, on sait qu'on va avoir des problèmes très intéressants de l'urbain, qui sont du moins des problèmes très techniques et d'aménagement très concrets. Et là, on imagine très bien ce que ça peut faire comme type d'enquête. Et je suis assez d'accord avec la remarque de Virginie, qu'il faudrait peut-être utiliser d'autres techniques que l'observation directe avec le papier, parce qu'il en existe déjà d'autres. Et juste deux petites références, mais je ne sais pas si vous y faites, si vous utilisez ça. Mais déjà, enquêter à partir de l'attention, je trouve ça très intéressant de regarder ce que Yves Citron a fait sur l'écologie de l'attention, parce que voilà, il a testé des choses, y compris sur le bonheur, donc ça vaut le coup de s'en saisir. Et puis le dernier bouquin de Michel Musso sur la compréhension de ces multispatialités qui s'appelle Hyperlien, qui vient de sortir l'année dernière. Hyperlieu, pardon. C'est aussi Hyperlien. Oui, il parle beaucoup de ces multicouches de spatialité, et bon, je ne sais pas si ça des choses qui nous intéressent, mais au cas où, on en discute. Ça marche.